La ville t'a porté la voile. C'est une latine espoir. L'homme sans amour, l'homme sans blouse en balade. Cherché aux alentours et confort. Et bébé, changement en vie en nous. Partageons mais avec nous. Faut pas baisser les bras, fais pas ça. Non, faut pas baisser.